Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique Corée a organisé le 11 courant la conférence sur la situation pour les représentants diplomatiques des pays asiatiques en Corée relativement à ce que les États-Unis perpètrent l'hostilité téméraire insultant notre dignité suprême sous prétexte du problème des droits de l'homme et conduisent la situation dans la péninsule coréenne en état imprévisible. Y ont pris part les ambassadeurs laotiens, cambodgiens, malaisiens, indonésiens, iraniens, indiens, vietnamiens et le chargé d'affaires par intérim pakistanais. Choi Hee-chol, directeur général de l'Asie et de l'Océanie du ministère des Affaires étrangères, a expliqué la position de principe de la République populaire démocratique de Corée envers les menées de suppression et d'isolement contre la Corée des États-Unis et de la Corée du Sud et d'indiquer. Le 6 juillet, les États-Unis ont publié le rapport du Département d'État sur nos problèmes des droits de l'homme plein de mensonges et de fraudes et la liste des objets de sanctions spéciales qui s'ensuit du Département de la Trésorerie. Ils y ont osé accuser notre direction suprême, ce qui constitue l'hostilité suprême dépassant la confrontation autour des droits de l'homme et une déclaration ouverte de la guerre contre nous. Tant que ce pays a dépassé la ligne rouge de la confrontation générale avec nous, en calomniant à tort et à travers notre dignité suprême, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. À ce propos, le ministère coréen des Affaires étrangères a déclaré le 7 juillet aux États-Unis de bloquer tous les espaces et passages de contact diplomatique avec les États-Unis et de prendre les mesures ultra dures pour repousser catégoriquement les hostilités américaines au cas où ils refusent notre demande de retirer les mesures de sanctions. Actuellement, de pair avec les États-Unis, la Corée du Sud continue d'aggraver la situation de la péninsule coréenne avec, par exemple, la décision de disposition du système de défense antimissile à haute altitude, SAD, malgré la protestation véhémente de notre pays et des pays voisins. Tous les pays asiatiques doivent être vigilants, savoir correctement qui sont les vrais auteurs et fauteurs empirant la situation dans la péninsule coréenne et ne pas consentir ou ne pas participer aux démarches contrevenant à la paix et à la stabilité de la région. Les représentants diplomatiques asiatiques ont exprimé une profonde compréhension au fait que les États-Unis aggravent extrêmement la situation dans la péninsule coréenne et à ses environs par la politique d'hostilité scélérate contre la Corée.